regarde avec la vie de pleurer. Il réalise même nous que le monde devient fou, que l'argent domine le bonheur. Certains oublient même qu'ils ont un cœur, d'autres ne savent même plus l'utiliser. Ils croient que l'amour dépend du budget. Le monde se dégrade à cause de l'évolution. Les parents laissent grandir dans l'obscurité. C'est un temps d'apprendre à l'enfance, on se retrouve isolé. Seul Dieu voit le mieux ce qui se passe sur cette terre. Que même les paroles amènent les guerres. Que les vrais problèmes sont les frontières. Comment veux-tu faire renaître la fraternité dans ces galères? D'autres n'attendent plus que leur dernier moment. L'homme est en train de mourir tout doucement. Et ça depuis que l'argent prend le devant. J'ai compris ce qui enrichit les guerres. C'est que les jeunes en sont les propres supporters. Depuis que Dieu voit leur violence amplifiée. Qui voit l'amour familial s'envenimer. Tout ça est dû au manque de fraternité. Il nous regarde avec la vie de pleurer. Il réalise nous que le monde devient fou. Que l'argent domine le bonheur. Certains oublient même qu'ils ont un cœur. D'autres ne savent même plus l'utiliser. Ils croient que l'amour dépend du budget. Le monde se dégrade à cause de l'évolution. Les parents laissent grandir dans l'obscurité. C'est certain après quand leur enfant se retrouve isolé. Sais-tu que quand est née la terre, la mystère était pure et solitaire. La bataille n'appartenait qu'aux militaires. L'ubarnisme ne fait qu'amplifier les guerres. Ce monde meurt, il perd son âme. Ici même les bougies n'ont plus leur flamme. Trop de peuples ne savent plus aimer. À cause de Noël où le Père Noël oubliait de déposer des cadeaux près de quelques cheminées. D'admirer de l'amour de tous ces vecteurs décembre. Difficile vu que le taux d'amis ne fait que descendre. Il nous regarde avec l'envie de pleurer. Il réalise mieux que nous que le monde devient fou. Que l'argent domine le bonheur. Certains oublient même qu'ils ont un cœur. D'autres ne savent même plus l'utiliser. Ils croient que l'amour dépend du budget. Le monde dégrade à cause de l'évolution. Les parents laissent grandir dans l'obscurité. C'est sans abri quand leur enfant se retrouve isolé. J'en ai marre de m'écraser face à des merdeux fiers de m'humilier. Des petits intolérants froids avec leur conscience. Des jardins secrets qui nourrissent la violence. Maintenant les petits veulent le mauvais profil. Ils en font les frais dans le désaccord civil. Trop sont les hommes qui veulent changer le passé. Ils veulent revendre leur destin au plus grand marché. Les nombreux justiciers enragent le mal. Je les conclus de toutes les élections municipales. Faut-il dire que côtoyer le danger des rues urbaines enterre la mélancolie que peut couvrir la haine. Il nous regarde avec l'envie de pleurer. Il réalise avec nous que le monde devient fou. Que l'argent domine le bonheur. Certains oublient même qu'ils ont un cœur. D'autres ne savent même plus l'utiliser. Ils croient que l'amour dépend du budget. Le monde se dégrade à cause de l'évolution. Les parents laissent grandir dans l'obscurité. Et c'est en après quand leur enfant se retrouve isolé.